Prof Yombi Vision. Apporter notre expérience professionnelle pour un Congo désaverti. Point 1. Politique. Lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption, les népotismes, les antivaleurs et les régionalismes. Prof Yombi Vision. Point 2. Académique. Identifier les meilleurs étudiants pour de bourses d'études traduits en Asie. Inviter nos collègues professeurs pour de cours en ligne. Point 3. Professionnel. Aider les ONG congolais à avoir un accès aux donateurs internationaux. Comment fonder une ONG? Comment et où solliciter un financement de projet? Point 4. Formation. Identification et formation des défenseurs de droits de l'homme. Formation de 2 à 8 semaines en Corée du Sud ou en Thaïlande pour le moment. Prof Yombi Vision.